professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi dans la presse égyptienne, la défense de l'islam et de l'Égypte est-elle la même chose? Pourquoi les Européens dénoncent-ils la virulence arabe et le fanatisme musulman? Comment Lord Blunt tente-t-il de se positionner comme médiateur entre le consulat britannique et les chefs du Parti national en Égypte? Quel est le grand rôle des maladresses européennes? Comment les Égyptiens usent de la notion d'agression culturelle? Quelle est la montée en puissance des notables ruraux égyptiens? Quel est le regard de la presse française sur la situation en Égypte? Qui sont ses correspondants dans le contexte de la reprise de l'expansion coloniale française? Comment se passent les élections en Égypte? Dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux provinces arabes de l'Empire ottoman, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne à nouveau au cœur de la révolution égyptienne, entre guillemets, de 1881-82, qui voit l'émergence d'un parti national. Nous retrouvons les Anglais et des Français qui guettent les manœuvres respectives de chacun et qui sont à l'affût des moindres complots, et des Égyptiens qui s'inquiètent des appétits des Français depuis la conquête tunisienne. Par l'analyse des différents journaux de l'époque, nous assistons au-delà du conflit politique à la montée en puissance du facteur culturel. Dans une interview récente donnée au journal Le Point, l'historien explique le contexte de révolution culturelle dans l'Empire ottoman. Au XIXe siècle, en quelques décennies, on rattrape plus de 3 siècles. Le monde arabe et ottoman avaient raté la révolution de l'imprimerie. Des provinces comme la Tunisie ou l'Égypte deviennent quasi autonomes. En 1880, une révolution éclate en Égypte dont le slogan est « l'Égypte aux Égyptiens ». L'historien rappelle à ce moment-là que ces mouvements nationaux se construisent contre les étrangers européens et ottomans. De 1820 à 1880, par ailleurs, la région récupère 4000 ans d'histoire. Les hiéroglyphes sont déchiffrés en 1820, puis le cunéiforme assyrien en 1840, avant le sumérien en 1880. Ce progrès redéfinit alors aussi les identités, par exemple pour la Syrie, qui redécouvre Baalbek, Palmyre et tout un passé prestigieux. Là-dessus s'ajoute également le rôle considérable des orientalistes européens qui insistent sur ce passé. S'il a été glorieux, l'avenir pourra l'être aussi. Henri Laurence cite alors la civilisation des Arabes du génial Gustave Le Bon, nous dit-il, qui sera lue par des générations d'intellectuels nationalistes arabes francophones. La même renaissance littéraire, note-t-il encore, liée à la simplification de la langue arabe, précède la renaissance politique. Pour la revue Le Débat, l'historien explique aussi que pour le réformisme musulman, la question se pose ainsi: comment adopter la modernité en lui donnant un parler musulman? Il s'agit également de s'appuyer sur son héritage intellectuel que l'on redécouvre tout simplement parce qu'il devient disponible grâce à l'imprimerie. Il s'agit, à partir de cet héritage, de repenser le présent dans le vocabulaire issu de sa propre culture qui est simultanément en fait une traduction du vocabulaire occidental. L'historien met alors en évidence l'émergence d'un constitutionnalisme dans les sociétés musulmanes. Ce constitutionnalisme recouvre alors l'adoption d'un libéralisme à l'européenne, mais qui veut se fonder sur le discours musulman. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence le 30 novembre dernier, la crise égyptienne de 1881-1882. Nous sommes maintenant en temps réel. C'est-à-dire que par télégraphe, Paris et Londres échangent constamment des informations et renvoient des instructions à leurs consuls qui les informent réciproquement. Et donc régulièrement, Paris et Londres sont obligés de rappeler à leurs représentants sur le terrain que la règle, c'est l'entente. Alors que sur le terrain, les consuls soupçonnent toujours les autres de pires intrigues, de complots, etc., selon la règle des choses. Alors, les Français sont persuadés que les Britanniques cherchent à susciter du désordre afin de créer les conditions d'une intervention militaire qui conduirait à une occupation britannique. Les Français regardent plutôt avec sympathie le réveil national de l'Égypte, qui leur paraît plutôt orienté, et ils sont hostiles à la trop grande présence des fonctionnaires britanniques en Égypte. Et du point de vue français, l'Égypte aux Égyptiens, ça veut dire éliminer le maximum de fonctionnaires britanniques du pays. En fait, il y a un accord dit de statu quo entre les Français et les Anglais qui fait que dans l'administration égyptienne, les positions sont gelées entre les Français et les Britanniques. En cas de vacance d'un poste, c'est obligatoirement quelqu'un de la même nationalité qui doit lui succéder, ce qui évidemment a pour inconvénient d'interdire le déroulement normal des carrières, puisqu'un subordonné d'une nationalité ne peut espérer accéder à une fonction supérieure détenue par une personne d'une autre nationalité. Pour mémoire, je le rappelle, parce que après l'entente cordiale de 1902, la France conservera dans l'accord de l'entente cordiale le poste de directeur des antiquités en Égypte. Ce sera toujours un Français, jusqu'à la révolution de juillet 52, qui tiendra la direction des antiquités, souvent un professeur du Collège de France, mais ça c'est autre chose. Simplement parce que cette règle de poste réservé à des Européens d'une certaine nationalité avait été conservée jusqu'à 1952 dans un certain nombre d'institutions égyptiennes. Ça, c'est un problème aussi qu'on va avoir de façon récurrente jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand les gens locaux lisent la presse européenne, ils prennent les articles de la presse européenne comme des déclarations gouvernementales. Donc, il suffit qu'il y ait un article un peu incendiaire d'un journal européen pour que les locaux pensent que c'est la décision locale, enfin, du gouvernement. Ainsi, il y a un article du Times de Londres du 19 octobre 1881, est compris plus ou moins comme une prise de position officieuse. Ce qu'on reproche aux Égyptiens, c'est leur hostilité au contrôle anglo-français. Et l'article du Time dit qu'il n'existe pas en Égypte, même sous une forme rudimentaire, d'éléments d'un système constitutionnel représentatif. La Chambre des délégués sera dominée par la clique des grands propriétaires qui s'en prendra une nouvelle fois à la trop grande présence des fonctionnaires européens. On accuse les étrangers de coûter trop cher. Alors, cet argument, dit l'article, a toujours été utilisé, par exemple, en Inde, par les babous. Vous savez, les babous, ce sont les fonctionnaires bengalis, les babous, qui contestent la domination de l'Indian Civil Service sur l'administration indienne. Puisqu'à l'époque, dans l'Indian Civil Service, il n'y a que des Britanniques. Ça changera après 1914. La thèse européenne, c'est de dire que certes, une administration européenne coûte plus cher qu'une administration indigène, mais qu'au long terme, c'est plus efficace est moins cher parce que l'administration européenne est plus intègre et a une plus grande productivité. Céder l'Égypte aux Égyptiens serait abandonner l'Égypte à l'administration égyptienne. Enfin, l'article du Time dit que l'Égypte est la clé de l'Inde et l'ascendant britannique dans ce pays doit être maintenu et renforcé. On doit s'en tenir au contrôle anglo-britannique, anglo-français, pardon, mais il est clair que du fait de l'Inde, les intérêts britanniques en Égypte ne peuvent être subordonnés à ceux d'une autre puissance. Les autres puissances et le peuple égyptien doivent comprendre que l'intérêt britannique est l'intérêt suprême. Bon, ça, ce n'est qu'un article de journal, du principal journal britannique, mais c'est interprété à OK. Comme quasiment une déclaration gouvernementale britannique. Et du côté de la presse arabe, on répond que la défense de l'Égypte et la défense de l'islam, c'est la même chose. Et donc, on va se créer un petit scandale dans le style même... bien connu jusqu'à aujourd'hui, une vieille pratique, mais ça commence à cette époque. On découvre qu'un journal francophone qui s'appelait L'Égypte aurait traité le prophète de faux prophète. Alors, la citation exacte, c'est « Il faut moins reprocher à Omar, fanatique héritier d'un faux prophète, d'avoir fait brûler la bibliothèque d'Alexandrie qu'à ses Romains civilisés de s'être montré presque indifférent aux doctes souvenirs de l'Égypte. » Alors, cet article... Évidemment, personne ne l'avait lu avant qu'il ne fût traduit en arabe par un journal arabe, ce qui, évidemment, a provoqué des violentes manifestations des étudiants de l'université islamique d'Al-Azhar. Et le gouvernement égyptien interdit le journal et le consul de France fait expulser d'urgence le journaliste français vers l'Égypte. Alors là, on est dans les subtilités. Le consul de France se sert de pouvoir attribuer au consul par l'ordonnance de 1778 sur les échelles du Levant, qui donnait au consul de France la possibilité d'expulser des ressortissants français qui créaient des troubles à l'ordre public. Ah, c'est la règle... C'est le fait que le texte de 1778 n'a pas été abrogé, bien que ce soit la seule fois depuis longtemps qu'on l'ait utilisé. Alors, les observateurs notent que le journal et le journaliste avaient été subventionnés par Yas Pacha et que donc on pouvait penser que le but était bien de provoquer des troubles. Et de façon plus cynique, le consul pense que le journaliste a fait exprès de publier cette attaque contre le prophète afin de se faire interdire et de là ensuite obtenir une forte indemnité de la part du gouvernement égyptien selon le système des capitulations. En tout cas, à ma connaissance, c'est la première affaire d'attaque contre le prophète enregistrée entre un journal d'origine européenne, même s'il est en Égypte. Une première réaction de ce genre. À l'époque, on lit peu, on est en France, enfin en Égypte, ce qui se dit en Europe sur le prophète et qui n'est parfois pas d'une très grande gentillesse. Alors, cet incident a provoqué une forte inquiétude dans les colonies étrangères. Les Britanniques trouvent que les Français ont cédé un peu trop facilement. Vous voyez là un extrait d'un journal français d'Égypte de 1880. Et voilà comment il fait sa revue de la presse arabe en disant « l'esprit des autres ». C'est un peu comme, vous voyez, ils se considèrent comme chez eux, voire comme eux aussi, ces Français d'Égypte, enfin ces francophones d'Égypte, ces étrangers, comme propriétaires, parce qu'il faut comprendre que le français est la langue vernaculaire des colonies étrangères en Égypte. Il n'y a pas que les Français, il y a les Italiens, les Grecs, les Syriens, etc., qui utilisent le français comme langue d'expression et qui lisent cette presse. Alors, inévitablement, avec le désordre politique, il n'y a pratiquement plus de censure, donc des temps de plus en plus virulents entre la presse d'origine européenne, s'exprimant en langue européenne, essentiellement en français, et la presse dite arabe, parce qu'elle s'exprime en langue arabe, alors avec un système pervers, puisque les journaux arabes font une revue de la presse sélectionnée de la presse européenne, et, les Européens font une revue de presse sélectionnée de la presse arabe, ce qui fait que chacun verse de l'huile sur le feu permanence. Et par exemple, du côté de la presse arabe, on cesse de parler de la question de l'endettement de l'Égypte pour évoquer tout simplement le danger européen, encore récemment démontré par la conquête française de la Tunisie et le terrible régime de répression dans lequel vit l'Algérie. Et là aussi, on marque que la prétention européenne à exercer la civilisation est une hypocrisie totale, parce que la civilisation européenne n'est que fondée que sur la force et sur l'immoralité. Elle cherche à corrompre les musulmans et les conduire à l'apostasie. Il faut que tous les musulmans s'unissent pour s'opposer aux Européens et libérer les peuples musulmans opprimés. Pour certains, Ourabi est le protecteur et le défenseur de l'islam, le Bismarck de l'Égypte. On exige qu'on puisse enseigner la modernité dans sa propre langue, culture et religion, avec un enseignement proprement musulman. Et là, on a, dès 1880, une spécificité vraiment égyptienne, qui est que le politique bascule très vite sur le culturel. Dans les affaires égyptiennes, c'est au sens où les Égyptiens identifient étroitement leur culture à l'islam, mais du coup, la culture européenne peut devenir une agression culturelle contre l'islam et contre l'Égypte. Thème qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le Proche-Orient de cette époque, mais qui donnera naissance plus tard aux frères musulmans et encore plus tard à des tas d'autres phénomènes en Égypte de ce même genre. C'est en ce sens-là que c'est une spécificité. On parlera par exemple d'agression culturelle en Égypte, alors que je ne vois pas dans d'autres pays de la région parler d'agression culturelle. Du côté européen, on commence à s'en prendre, à avoir peur de la virulence de la presse arabe et musulmane, et on dénonce le fanatisme. Les journaux arabes, mais tenus par des chrétiens libanais, comme El Aham, les pyramides, l'actuel grand journal égyptien, mais qui commence à paraître dans cette période, et qu'à l'époque, un journal tenu par des chrétiens syriens, les frères Takla, dénonce le fanatisme. Et donc, les clivages deviennent nets entre les modérés d'un côté et les radicaux de l'autre. Et les radicaux exaltent la personnalité d'Ourabi. C'est à ce moment-là que notre ami Blount revient. Alors, il dit que ces mois d'automne qu'il a vécu au Caire, l'automne des 1881, ont été les plus heureux que l'Égypte n'ait jamais connu dans son histoire. Toute la population participe à un grand projet national. Les turco-circassiens sont rassurés par leur retour au pouvoir et le projet constitutionnel. Les Fallah voient la fin des privilèges de l'élite. Tous s'unissent pour s'opposer à la domination européenne. L'esprit de liberté domine le pays. Et c'est à ce moment-là que Blount fait la connaissance d'Ourabi, avec qui il sympathise et il va devenir l'un des conseillers d'Ourabi. Il marque que le sentiment anti-européen est lié aux excès des ingérences européennes. dans la vie du pays, ainsi que du comportement licencieux de certains Européens protégés par la capitulation, c'est-à-dire les cafés chantants, les bordels, etc., en particulier à Alexandrie. L'amertume des musulmans est forte à la suite de la conquête française de la Tunisie. On accuse les Français d'avoir profané les mosquées et outragé les femmes musulmanes. En revanche, les Blount, les relations sont excellentes entre musulmans, chrétiens et juifs égyptiens qui sont tous pour la Constitution. Alors, Blount va se donner comme mission de faire la médiation entre le consulat britannique et les chefs du parti national. Il marque à juste titre que les consuls ne connaissent que Sharif el-Khedive, ils ne connaissent pas les hommes du parti national. Et de le plus, il faut essayer d'éclaircir les malentendus avant que les affaires deviennent trop graves. Hein. Libéraux britanniques, parce que les libéraux sont au pouvoir avec Gladstone, et républicains français devraient quand même accorder leur soutien au mouvement constitutionnel en Égypte. Sinon, dans quel monde on se trouve? Donc, la question qui va devenir centrale à ce moment-là, c'est la question de l'augmentation des effectifs de l'armée égyptienne. La Grande-Bretagne est hostile parce qu'elle considère que d'augmenter d'un tiers l'armée égyptienne, c'est augmenter d'un tiers les charges financières que coûte l'armée au budget égyptien. L'Égypte, pour les Anglais, n'a besoin qu'une force de police nécessaire pour mettre de l'ordre chez les Bédouins et éventuellement dans la rue égyptienne. Et donc, ce que les Anglais suggèrent, c'est tout simplement qu'on mette les officiers égyptiens à la retraite en leur donnant des retraites solides, comme ça, ça les calmera. Alors, les Français, eux, avaient proposé aux Britanniques de faire un condominium militaire sur l'armée égyptienne, en encadrant l'armée égyptienne d'officiers français et britanniques, mais ça, les Anglais n'y étaient pas favorables. Alors, il faut ajouter que dans tous les événements de cette période 1881-82, il y aura un grand rôle sur les maladresses. Ainsi, le gouvernement britannique publie une déclaration rédigé en fait par le consul britannique au Caire, Mallet, qui se veut rassurante pour les Britanniques en disant que la Grande-Bretagne soutient, ne veut que le bien de l'Égypte et la réforme de son administration et de sa justice, et s'oppose à tout désordre qui remettrait en cause l'autorité du Khedive et qui détournerait la population de sa fidélité envers ce souverain. Alors, Mallet avait voulu ajouter une formule disant que la Grande-Bretagne soutenait le projet de constitution, mais à Londres on avait supprimé ça parce que si on avait dit qu'on soutenait un projet de constitution en Égypte, ça aurait provoqué un problème avec le sultan. Abdulhamid. Donc, l'exclusion de la cause sur la Constitution est prise justement comme une menace par les Égyptiens, surtout que le texte s'accompagne d'une déclaration qui dit que le lien qui unit l'Égypte à la France est, nous en sommes convaincus, une sauvegarde sérieuse contre l'intervention étrangère. S'il venait à être rompu, l'Égypte pourrait, dans un avenir peu éloigné, se trouver en danger des feux d'ambition rivales. C'est pourquoi notre but est de maintenir ce lien tel qu'il existe actuellement. La seule circonstance qui peut nous forcer à nous départir de la ligne conduite que j'ai indiquée plus haut serait la survenance en Égypte d'un état d'anarchie. Nous comptons sur les Khedives, sur Shérif Pacha et sur le bon sens de la nation égyptienne pour éviter une pareille catastrophe. Et de leur côté, ils peuvent être assurés que, tant que l'Égypte restera dans la voie de progrès pacifique et légitime, le gouvernement de Sa Majesté tiendra sérieusement à contribuer à un résultat si désirable. Donc, tous les bons principes du début du texte disparaissent pour ceux qui est interprété par les Égyptiens, par une menace d'intervention militaire, c'est son passage. Et ce genre de choses va se reproduire à plusieurs reprises. Alors, la égyptienne va être influencée directement par la formation de ce qui est entré dans l'histoire comme le grand ministère Gambetta du 14 novembre 1881. Les grandes personnalités républicaines ont refusé d'y participer, c'est-à-dire que Léon C. Freycinet et Jules Ferry ont refusé d'entrer, ce qui fait que le gouvernement de Gambetta est composé d'hommes jeunes, dont certains font évidemment une grande carrière plus tard, mais à l'époque, ce sont presque des quasi-inconnus, même si on trouve Paul Bert et Valdec, et surtout Valdec Rousseau, mais il est... Évidemment, c'est une des grandes personnalités de la Troisième République, Valdec Rousseau, mais là, il n'entre qu'au début de sa carrière politique. Alors, vous noterez que c'est une bonne époque, puisque d'abord, il n'y a pas de femmes au gouvernement. Ensuite, ils sont tous... Il n'y a pas un seul homme glabre. Au mieux, on a des moustachus, sinon on a des barbus. Voilà, c'était l'époque où la France était gouvernée par des barbus. Il faut se la rappeler. C'est quelque chose qu'on ne fait plus pratiquement aujourd'hui. Alors, Gambetta lui-même prend la direction des affaires étrangères et il se souvient du conseil que Thiers, peu avant sa mort, lui avait donné, n'abandonner jamais l'Égypte. Oui, aujourd'hui, j'ai vu dans le journal une information que personne n'a notée. Apparemment, le gouvernement français a décidé de réhabiliter tous les morts de la Commune, ce qui m'a paru assez surprenant, d'autant plus que pour le début de la Troisième République, il faut rappeler que la Troisième République a été créée par l'action conjointe de Thiers et de Gambetta. Et donc la Troisième République s'est construite sur la répression de la Commune, et non pas du tout en s'appuyant sur la Commune. Mais bon, on a parlé de Jules Ferry la fois précédente. Il faut rappeler que M. Hollande avait découvert qu'il y avait un gentil M. Ferry qui faisait de l'éducation et un méchant Jules Ferry qui faisait de la colonisation. Respectons le passé, si je vous en prie. C'est impossible. Alors, Joseph Renac, qui est le chef de cabinet de Gambetta, qui ensuite décrit les opinions de Gambetta en matière de politique étrangère. Et évidemment, Gambetta était partisan en ce qui concerne d'Alsace-Lorraine, de la fameuse formule essentielle qui est un cauchemar pour les historiens. Il faut y penser toujours et n'en parler jamais. Je veux dire, pour un historien, c'est terrible, parce que vous n'avez pas de documents, puisque quand on n'en parle jamais. Donc on dit, mais ils n'y pensaient pas, parce qu'ils ne l'ont pas écrit. Mais c'est vraiment le point fondamental pour l'Alsace-Lorraine de la pensée des Républicains. Y penser toujours, n'en parler jamais, même s'il n'est pas question pour les Républicains de se lancer dans une guerre européenne. Mais pour Gambetta, penser à l'Alsace-Lorraine n'interdit pas de faire une politique d'expansion en Méditerranée. Nul plus que lui n'avait les yeux constamment dirigés vers la ligne des Vosges, mais le moyen de recouvrer Strasbourg et Metz, espère de la Méditerranée et l'Afrique, le protectorat des chrétiens d'Orient, des influences séculaires dans toutes les parties du monde, des intérêts politiques et commerciaux qui font, autant que notre territoire même, partie de notre existence en tant que nation. Donc, pour Gambetta, la France ne peut se permettre de se suicider en se fermant au monde. Cela implique de faire l'éducation de la démocratie dans la politique étrangère comme dans la politique intérieure. Les principes de la politique étrangère de la France est d'avoir les mains libres et les mains nettes, c'est-à-dire d'avoir la politique de ses intérêts. elle doit renoncer à toute forme de croisade catholique ou guerre de propagande républicaine. La guerre de propagande, c'est 1792. Cela veut donc dire que l'on se préoccupe non des régimes politiques, mais des enjeux. Or, la France est à la fois une puissance catholique et une puissance musulmane. Que les, je cite, que les peuples voisins vivent en monarchie ou en république, notre propagande y restera étrangère. Que l'intégrité de l'Empire ottoman soit respectée ou violée, la France n'y saurait demeurer indifférente. Protectrice attitrée et reconnue depuis 8 siècles de tous les chrétiens du Levant, n'est-elle pas depuis un demi-siècle l'une des grandes puissances musulmanes du monde et la maîtresse de plus de 500 lieues de côte dans la Méditerranée? Conseiller à la France dans de pareilles conditions, parce qu'elle a été démembrée en 1871 sur le Rhin, de ne plus avoir de politique en Orient, c'est conseiller à un amputé d'un bras de devenir volontairement poitrinaire. C'est vouloir tuer Marseille parce que Strasbourg a été sacrifié. Vous avez le sens de la formule à l'époque. Donc, dans les affaires orientales, la France doit être protectrice des chrétiens et des juifs, y compris dans l'émancipation de ces derniers dans les pays chrétiens nouvellement indépendants comme la Roumanie. En ce qui concerne l'Empire ottoman, son effondrement est inévitable, mais il ne faut pas que cela soit fait au profit d'une grande puissance, l'Autriche ou la Russie. Il ne faut pas que la première soit à Salonique, c'est la grande obsession après 1878. La pensée politique européenne pense que l'Autriche vise, à partir de la Bosnie-Herzégovine, Salonique. Donc c'est la fameuse route de Salonique qui sera une des causes de la guerre de 14. Et la seconde, Constantinople. Cette revanche de la civilisation chrétienne sur l'islam doit se faire au bénéfice de la Grèce. Cela suppose de rendre l'alliance anglaise définitive parce que les deux puissances libérales ont des intérêts similaires et dans cette affaire, l'Égypte joue une part essentielle. Donc Gambetta s'informe immédiatement de l'état des relations franco-britanniques. Le consul de France remarque que son homologue britannique commence à agir seul. Ça, je vous l'ai dit, c'est comme d'habitude, les consuls se méfient, c'est la fameuse morbus consularis. Ce n'est pas une domination directe que, dans mon opinion, il semble rechercher. Elle serait trop fertile en complications de toute nature. C'est plutôt une sorte d'absorption graduelle qu'ils ont en vue. Les prétentions qu'ils émettent sur le canal de Suez et que rien ne justifie permettent toutefois de supposer que de ce côté, ils auraient l'intention de se donner des garanties positives, mais le jour où ils auraient la garde du canal, l'Égypte ne serait plus que leur vassal. Donc, pour le consul de France, le schéma des événements à venir pourrait être, les colonels vont s'allier avec les notables, lors de la réunion de la Chambre, ce qui créera une situation de troubles que l'Angleterre définira comme une anarchie, donc justifiant une intervention militaire. Donc, il faudrait que le gouvernement français pousse Chérif Pacha à exiler ou à éloigner les colonels de la capitale à ce moment essentiel. Au même moment, le haut commissaire britannique aux finances, enfin, commissaire britannique aux finances, Colvin, lui reçoit au Rabi, et afin de connaître ses vues politiques et... Le colonel lui fait un long développement sur l'oppression qu'a connue l'Égypte de la part des Mamelouks et de la dynastie de Mehmet Ali. L'action militaire a mis fin à la domination des Circassiens sur l'armée. Tous les Égyptiens ont le droit à la liberté et à la sécurité. Bien entendu, la loi de liquidation de la dette égyptienne sera maintenue. C'est une affaire qui ne concerne pas les affaires intérieures égyptiennes ne concernent pas les Européens. L'inquiétude pour les Égyptiens, dit Orabi, c'est la conquête de la Tunisie par les Français, parce qu'ensuite ce sera le tour du Maroc, puis de Tripoli, c'est-à-dire de la Libye, et enfin de l'Égypte. Et à ce moment-là, les militaires se montrent plutôt pro-britanniques, en disant « il faut que vous nous protégiez d'une invasion française ». Blount, lui, rencontre Orabi le 12 décembre, le colonel lui explique qu'il sera loyal envers le Khédive tant qu'il respectera la liberté des Égyptiens. Le rôle de l'armée, c'est de s'interposer entre la population et les Turcs. Son rôle sera terminé quand l'Assemblée prendra la défense des droits du peuple. Orhabi a peu d'estime pour les Ottomans et fait la distinction entre le gouvernement ottoman et l'autorité religieuse du sultan en tant que commandeur des croyants. L'exemple de la Tunisie est là pour montrer le danger de se séparer du chef du monde musulman. Avec l'approbation de Mohamed Abdo et d'Orhabi, Blount communique le contenu de son entretien au consul britannique, puis l'envoie directement au premier ministre britannique, Gladstone, sous forme d'une lettre particulière, qui est ensuite publiée dans le Time, afin de définir le programme du mouvement national égyptien. Donc Blount s'est donné la mission de trouver un compromis entre les militaires égyptiens et les autorités britanniques. Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, la crise égyptienne de 1881-1882. Blount est quelqu'un de passionnant parce qu'il est parfois profondément britannique, ça, c'est incontestable. En plus, il appartient à la meilleure société. Je vous rappelle que Lady Anne, son épouse, c'est la petite fille de Lord Byron. Mais en même temps, Blount est considéré dans l'histoire comme le premier Européen anticolonialiste. Donc, c'est toute l'ambiguïté et la complexité du personnage. Évidemment, les Français font espionner Blount parce que cet Anglais qui fréquente tout le monde leur paraît tout à fait suspect. Donc, ils pensent que Blount est l'organisateur d'un complot entre les mouvements militaires et les consuls britanniques. Les élections des délégués ont lieu dans un climat de grande liberté. Pour l'essentiel, les 83 élus représentent bien la grande notabilité rurale, celle qui exerce de vraies influences sur les campagnes égyptiennes. Le 26 décembre, le Khedive inaugure les travaux de la Chambre en insistant sur la nécessité des réformes et la modération, ainsi que sur le respect des obligations de l'Égypte envers ses créanciers. Il faut que nous soyons tous unis pour accomplir les réformes utiles à l'Égypte par la grâce de Dieu, l'aide de son prophète, avec le puissant appui de Sa Hautesse le Sultan, notre auguste souverain. Et le chef du Le président élu de la Chambre des notables, Sultan Pacha, fait un discours de réponse dans le même sens. Et Sultan exprime bien la conception que les notables ont d'eux-mêmes, je cite, « Faisant individuellement partie de l'élite de la nation, vous en êtes collectivement la représentation vivante. Je n'ai pas besoin de vous dire que si des réformes, une réorganisation sont indispensables à notre pays, il est également vrai que celui-ci possède tous les éléments propres à développer ses intérêts vitaux, tous les éléments nécessaires pour réaliser son progrès moral et assurer sa prospérité matérielle. Il est certain que le progrès et les réformes que nous allons accomplir, ainsi que la consécration du principe de discussion, rencontreront la satisfaction de la porte à cause de la force nouvelle que nous retirons de l'application de ce principe. Force qui représentera en somme une portion de la puissance générale de l'Empire. » Là, il se pose directement comme l'élite. Sultan Pacha est l'exemple parfait de la montée en puissance des notables provinciaux égyptiens de souche. Au départ, c'est un chef de village, un Sheikh al-Balad, de la région de Minya, c'est-à-dire le propriétaire foncier le plus important du secteur. Il a su acquérir le soutien de la dynastie Soussaïd, Il a fait une grande carrière administrative en Haute-Égypte, d'abord comme gouverneur de province, puis comme gestionnaire des biens de la famille Khedivial et superviseur des provinces en Haute-Égypte. De ce fait, dans sa relation étroite avec la dynastie, il est devenu l'un des plus grands propriétaires de la Haute-Égypte. Par le biais des œuvres pieuses et de sa clientèle, on considère que c'est l'homme qui tient toute la Haute-Égypte sous son influence. Ce qui lui permet d'accéder au plus haut niveau de l'administration et par là même de renforcer sa position locale. Ça, c'est la règle dans le système ottoman en général du XIXe siècle. Vous êtes un notable local, vous assurez au pouvoir central le contrôle de la région, donc le pouvoir central vous accorde ses faveurs, et comme vous avez les faveurs du pouvoir central, vous renforcez votre position locale, et ensuite vous revenez vers le pouvoir central qui vous accorde encore plus, parce que vous êtes de plus en plus puissant. Et donc vous avez des montées en puissance de notables par cet aller-retour entre le bas et le haut de la société. Bon, le vrai problème, il est sur le budget. Car tout le monde pense, à juste titre, que les notables veulent le contrôle du budget de l'Égypte. Mais s'ils prennent le contrôle du budget de l'Égypte, c'est la fin du contrôle financier franco-britannique sur les finances égyptiennes. Donc les consuls marquent la ligne rouge, si on peut dire, on ne disait pas l'expression à l'époque, c'est la question du budget. Il ne faut pas que les députés aient un droit de regard sur le budget de l'Égypte. Alors là, nous allons quitter un petit moment l'Égypte. Enfin, on ne va pas la quitter, mais on va faire un tour de presse sur la presse française sur la question de l'Égypte, d'autant plus qu'un certain nombre de noms que je vais citer dans cette presse française vont exercer une influence durable sur la politique française jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc il est tout à fait important de voir quelles sont leurs positions en 1881. On a rappelé donc l'idée que la reprise de l'expansion coloniale lancée par Ferry et Gambetta, c'est l'idée que la France doit maintenir son rang dans le monde. Utilisation, terme que encore François Mitterrand utilisera en 1991. Donc, pour justifier cette reprise de l'expansion, les Français avaient inventé, plus ou moins, un danger qui était celui du panislamisme. Mais la presse républicaine en 1881 avait donc fait campagne contre le danger que représentait l'islam pour l'empire colonial français. Mais c'est aussi le cas des journaux plus généraux de l'époque, comme le Journal des Débats qui va nous intéresser directement, qui évoque régulièrement une conspiration religieuse contre la domination française. Évidemment, une conspiration musulmane religieuse contre la domination française. Alors, dans le Journal des Débats, il y a un individu tout à fait intéressant qui fait la couverture des événements sur l'Égypte et l'Empire ottoman. C'est Halil Ghanem, Halil Hanim, qui a la carrière typique des intermédiaires entre l'Europe et le Levant au XIXe siècle. C'est originaire de Beyrouth. Il a fait ses études chez les lazaristes, entré très jeune dans l'administration provinciale ottomane comme drogman, c'est-à-dire traducteur, et est devenu chargé de la correspondance étrangère dans les bureaux du gouverneur général de la Syrie. En 1872 ou 73, il est parti pour Constantinople, où il a été employé à la Sublime Porte comme secrétaire du grand vizir. C'était un proche de Midhat Pacha, ce qui lui a valu en 1876 d'être désigné comme député de Beyrouth, puisqu'on n'avait pas le temps de procéder à des élections Donc on a désigné les députés. Au Parlement ottoman, il s'est montré défenseur de la Constitution et du patriotisme. Il s'exile en 1878 et s'installe d'abord en Égypte, où il publie en 1879 un traité d'économie politique, dans lequel il se montre hostile au despotisme et favorable au constitutionnalisme. Il est partisan d'une taxation égale pour tous et modérée et s'oppose aux dépenses militaires inconsidérées. Il faut que l'État évite de s'endetter et limite ses activités à ses ressources réelles. Il se montre partisan de l'industrialisation. Clairement, les idées économiques de Khalil Ghanem sont un mélange des idées de l'économiste français Frédéric Bastiat, accompagné de celle d'Ibn Khaldoun. Toute l'ambiguïté du personnage réside dans le fait qu'il peut être considéré, selon les moments, comme un réformiste ottoman ou comme un agent de la politique française. Alors, ce sera encore plus compliqué plus tard, dans quelques années, puisqu'il est aussi considéré comme un des fondateurs du mouvement Jeune Turc. Donc, ça montre la complexité de ce genre de personnage. En tout cas, il s'est installé en France et est devenu une personnalité importante de la presse, se mettant visiblement au service des intérêts français dans le monde musulman. Comme c'est un personnage qui a fait carrière dans l'Empire ottoman, il est considéré comme un expert et donc consulté en tant que tel. Et il intervient régulièrement dans le journal des débats pour dénoncer les prétentions imaginaires du califat ottoman d'exercer son autorité sur la Tunisie et l'Afrique du Nord. Il a existé, il existe encore plusieurs califats dans le monde musulman, dit-il. Le califat ottoman est d'origine tartare, n'ayant aucune parenté avec le prophète. Il se trouve être méconnu par tous les musulmans versés dans la connaissance de la loi et notamment les Arabes. Et là, on voit la parenté entre ce qu'écrit Khalil Ghanem dans le journal des débats et ce qu'écrit Blount dans The Future of Islam. Il soupçonne l'apport de vouloir envoyer des forces à Tripoli pour prêcher la guerre sainte. Comme les Ottomans manquent de troupes, ils envoient des prédicateurs, ce qui est encore plus dangereux, je cite. Ce que nous pourrions avoir à redouter de la Turquie, ce ne sont assurément pas ses cuirassés ni ses soldats, mais plutôt son influence religieuse. C'est l'arme la plus puissante dont elle dispose et le gouvernement français ne peut pas se permettre qu'elle s'en serve impunément contre lui. Dans les nouvelles difficultés françaises en Tunisie, puisque durant l'été 1881, les Tunisiens se sont révoltés contre le protectorat, Ghanem dénonce une intrigue possible de l'ex-Khédive Ismaïl, et il évoque l'existence d'une société secrète dont le siège était à Tunis pour fomenter des insurrections en Algérie. Mais il ajoute tout de suite que pour éviter une insurrection en Algérie, il faut améliorer le sort des habitants arabes de l'Algérie. Sinon, on aura un retour périodique des troubles. Mais en même temps, en tant qu'Ottoman, il quelque sorte valide aux yeux des Français la thèse du complot et de la conspiration. En juin 1881, il se félicite de voir l'Empire ottoman céder dans les dossiers balkaniques, tout en admettant que l'Europe doit prendre un peu de repos avant de se lancer dans le règlement de la question arménienne. Il plaide pour la clémence dans le procès des régicides, dont celui de Midat Pacha. Il affirme comme expert imprudemment que le dossier tunisien est terminé au moment où l'insurrection va éclater, ce qui prouve qu'il est un expert. Mais il craint surtout l'existence d'une Ligue des musulmans d'Afrique contre la domination française. Alors, en honneur de Khalil Ghanem, le journal de débat utilise des correspondances parfois anonymes, comme celle d'un Syrien, publié le 3 juillet 1881, pour qui les événements de Tunisie, dont le moindre détail ont été diffusés par les Algériens d'Abdelkader, ont raffirmé l'influence française qui jusque-là paraissait déclinante. Lorsque les Syriens ont vu la France agrandir ses possessions arabes et faire un pas de plus dans la voie où ils espèrent l'avoir marché assez pour arriver un jour jusqu'à eux, ils ont éprouvé une joie dont les effets éclatent chaque jour à tous les yeux. C'est-à-dire que donc là, on a quelqu'un qui signe un Syrien qui appelle à une conquête française de la Syrie. Et il dit, vous savez que le monde arabe est agité depuis quelques années par des mouvements révolutionnaires et séparatistes qui prennent peu à peu plus de consistance. Depuis que l'Empire ottoman a perdu son prestige militaire dans les plaines de la Bulgarie et de la Roumélie, le joug des Turcs paraît insupportable aux races qu'il avait subies jusqu'ici, non sans amertume, mais avec résignation. D'où le mouvement de protestation ethnique qu'il y a en Égypte contre le régime des Mamelouks. Et derrière, le correspondant français accuse un complot qui aurait été monté par Midat, les Anglais, et derrière eux, par Lord Beaconsfield, israélien, qui voulait remplacer le califat du sultan par un califat donné au shérif de la Mecque. Et donc, le pan-islamisme, c'est la réponse d'Abdulhamid à ce danger. Et donc, Hanim et ses correspondants considèrent que les événements de Tunisie sont bien liés à des manigances ottomanes en dépit des bonnes paroles. Mais il ajoute une considération de nature sociologique sur le fait que dans les pays musulmans, la soumission des autorités aux autorités légitimes n'entraîne pas toujours celle des populations. Cela a été le cas de l'Afghanistan, de la Bosnie-Herzégovine. Au-delà, deux logiques s'opposent, celle de la France de vouloir imposer à la population arabe la civilisation occidentale alors que cette dernière résiste. Enfin, la population arabe, pas la civilisation occidentale. Notre premier souci en arrivant dans un pays arabe, c'est de le transformer en pays européen et même en une province française. Les mœurs arabes nous choquent et nous ne nous apercevons pas que les nôtres choquent les arabes encore davantage. Alors, la chronique, c'est qu'il y a toujours une base du complot musulman à partir de la Tripolitaine contre la Tunisie et l'Algérie. Le 25 août, donc, une correspondance du Caire indique que dans les événements qui se passent en Égypte, correspondance anonyme, il y a le complot islamique contre les autorités et que c'est l'Europe qui est visée. Alors, Hanem, lui, ne suit pas le mouvement parce qu'il fait la distinction entre le complot islamique qu'il attribue au sultan et le mouvement national égyptien que lui soutient. Parce qu'il faut voir dans le mouvement national égyptien un mouvement similaire à celui auquel il a participé avec Medad Pacha lors de la période de 1875-1878. Donc, il plaide pour un compromis. Le danger, ce serait une occupation en britannique ou une occupation turque de l'Égypte. Mais l'autre auteur du journal du débat, c'est Gabriel Charme. Gabriel Charme appelle, lui, à une démonstration navale européenne dans les affaires égyptiennes, car il voit un complot monté par Abdulhamid pour remettre en place le prince Halim à la place du Khedive pour planter en Égypte, dit-il, le drapeau du pan-islamisme. Donc, il y a dans les colonnes du journal des débats une controverse entre Hanem et Gabriel Charme sur la politique à suivre. Et Charme a un avantage, c'est qu'il est parti en Égypte sur place pour voir la situation, tandis que Hanem reste à Paris. Je cite cet octobre 1881. « On répète sans cesse que l'Égypte est la route de l'Inde. Aurélien, dans l'Inde, 45 millions de musulmans qui forment la partie la plus remuante, ou pour mieux dire, la seule remuante, la seule menaçante de l'Empire britannique. Depuis son arrivée au pouvoir, Abdulhamid n'a pas cessé un seul jour d'entretenir des rapports avec ces 40 millions de musulmans et de chercher à les entraîner eux aussi dans la fameuse ligue du pan-islamisme qui doit comprendre tous les sectateurs de Mahomet répandus sur le globe. Un rétablissement du régime turc en Égypte serait dangereux pour la France en Tunisie, pour l'Égypte et pour les Britanniques en Inde. Il ne faut pas compter sur le prétendu parti national égyptien pour s'opposer aux Turcs, c'est confondre les casernes avec la patrie. Ces officiers défendent leurs intérêts matériels, ils ont ramené au pouvoir Chérif Pacha, le plus turc des Égyptiens, et son gouvernement ne comprend à une exception près que des Turcs qui ne sont pas disposés à s'opposer, enfin qui sont disposés à s'opposer à la prise de pouvoir par les Arabes. Derrière tout ça, c'est le sort de la Syrie qui se joue. Je cite, il y a depuis quelques années en Orient un petit nombre d'hommes qui sont possédés du rêve de créer quelque part un royaume arabe. Ils avaient d'abord jeté les yeux sur la Syrie et Mudad Pacha avait été à la fois l'instigateur et l'instrument de leur chimérique projet. Personne n'ignore que c'est la France qui a fait rappeler Mudad Pacha de Damas afin de mettre un terme à des intrigues dont le résultat eût été de révolutionner un pays sur lequel s'est toujours exercée notre autorité. Le jour où la domination turque sera brisée sur la Syrie, si elle n'est pas immédiatement remplacée par une domination européenne, une épouvantable anarchie régnera dans ce beau et noble pays. Les diverses communautés arabes que séparent à la fois les traditions religieuses et les traditions historiques ont les unes pour les autres une haine farouche. Fin de citation. Mais le Turc n'est pas fanatique et traite avec presque autant de douceur l'arabe chrétien que l'arabe musulman. Enfin, douceur ou brutalité, c'est la même chose. En Égypte, l'arabe musulman est fanatique et réclame l'expulsion de tous les Européens. Ce parti national égyptien est largement composé de Syriens, jadis des auxiliaires de Mudad Pacha. L'Égypte moderne est le produit d'une collaboration turco-européenne. Alors, vous comprenez très bien que les articles de Gabriel Charme sont retraduits pour les autorités ottomanes. Et donc, à Yıldız, les correspondances de Gabriel Charme sont la démonstration qu'il y a bien un complot arabe en Égypte, puisqu'on est dans un système circulaire d'information. Yıldız, c'est le palais d'Abdülhamid. Du Collège de France, vous venez d'écouter Henri Laurence, Les provinces arabes de l'Empire ottoman, la crise égyptienne de 1881-1882. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien publie à la mi-février Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914 chez Fayard. Rappelons aussi L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015 et son recueil d'articles Histoires orientales, Simbad 2013. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Henri Laurence sur l'Égypte au tournant des années 1880 pour son cours sur les provinces arabes de l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, les petits matins d'Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.